Leçon 6B, exercice 6. Jeu de son. Elles adorent. Ils aiment. Ils ont. Vous êtes. Les amis. Les exercices. Les immeubles, les hôtels, une cuisine, Isabelle, lisez, 11, 12, 13. Une phrase. Je suis. Nous sommes. Ils sont. C'est super. Une sucette. Un sac. Une salle. Une scène. Ça. Aussi. Une cassette. Dessiner. Messieurs. Passé. Une poissonnerie. Un anniversaire. Ensemble. Une épicerie. Ici. Français. Un garçon. Une classe. Une réponse. Une différence.